20 000 lieues sous les mers, tome 1, première partie, chapitre 14, le fleuve noir. L'océan Pacifique s'étend du nord au sud entre les deux cercles polaires et de l'ouest à l'est entre l'Asie et l'Amérique sur une étendue de 145 degrés en longitude. C'est la plus tranquille des mers. Ses courants sont larges et lents, ses marées médiocres, ses pluies abondantes. Tel était l'océan que ma destinée m'appelait d'abord à parcourir dans les plus étranges conditions. « Monsieur le professeur, me dit le capitaine Nemo, nous allons, si vous le voulez bien, relever exactement notre position et fixer le point de départ de ce voyage. Il est midi moins le quart, je vais remonter à la surface des eaux. » Le capitaine pressa trois fois un timbre électrique. Les pompes commencèrent à chasser l'eau des réservoirs. L'aiguille du manomètre marqua, par les différentes pressions, le mouvement ascensionnel du Nautilus, puis elle s'arrêta. « Nous sommes arrivés, dit le capitaine. » Je me rendis à l'escalier central qui aboutissait à la plateforme. Je gravis les marches de métal et, par les panneaux ouverts, j'arrivai sur la partie supérieure du Nautilus. La plateforme émergeait de 80 cm seulement. L'avant et l'arrière du Nautilus présentaient cette disposition fusiforme qui le faisait justement comparer à un long cigare. Je remarquai que ces plaques de tôle, imbriquées légèrement, ressemblaient aux écailles qui revêtent le corps des grands reptiles terrestres. Je m'expliquai donc très naturellement que, malgré les meilleures lunettes, ce bateau eût toujours été pris pour un animal marin. Vers le milieu de la plateforme, le canot, à demi engagé dans la coque du navire, formait une légère extumescence. En avant et en arrière s'élevaient deux cages de hauteur médiocre, à parois inclinées, et en partie fermées par d'épais verres lenticulaires. L'une destinée au timonier qui dirigeait le Nautilus, l'autre où brillait le puissant fanal électrique qui éclairait sa route. La mer était magnifique, le ciel pur, à peine si le long véhicule ressentait les ondulations de l'océan. Une légère brise de l'est ridait la surface des eaux. L'horizon, dégagé des brumes, se prêtait aux meilleures observations. Nous n'avions rien en vue, pas un écueil, pas un îlot, plus d'Abraham Lincoln, l'immensité déserte. Le capitaine Nemo, muni de son sextant, prit la hauteur du soleil, qui devait lui donner sa latitude. Il attendit pendant quelques minutes que l'astre vint affleurer le bord de l'horizon. Tandis qu'il observait, pas un de ses muscles ne tressaillait, et l'instrument n'eût pas été plus immobile dans une main de marbre. « Midi, dit-il. Monsieur le professeur, quand vous voudrez. » Je jetai un dernier regard sur cette mer un peu jaunâtre des atterrages japonais, et je redescendis au grand salon. Là, le capitaine fit son point et calcula chronométriquement sa longitude, qu'il contrôla par de précédentes observations d'angles horaires. Puis il me dit, « Monsieur Aronnax, nous sommes par 137 degrés et 15 minutes de longitude à l'ouest. » « De quel méridien ? » demandai-je vivement, espérant que la réponse du capitaine m'indiquerait peut-être sa nationalité. « Monsieur, me répondit-il, j'ai divers chronomètres, réglés sur les méridiens de Paris, de Greenwich et de Washington. Mais en votre honneur, je me servirai de celui de Paris. » Cette réponse ne m'apprenait rien. Je m'inclinai, et le commandant reprit. 137 degrés et 15 minutes de longitude à l'ouest du méridien de Paris, et par 30 degrés et 7 minutes de latitude nord, c'est-à-dire à 300 milles environ des côtes du Japon. C'est aujourd'hui, 8 novembre, à midi, que commence notre voyage d'exploration sous les eaux. Dieu nous garde, répondis-je. Et maintenant, monsieur le professeur, ajouta le capitaine, je vous laisse à vos études. J'ai donné la route à l'est-nord-est par 50 mètres de profondeur. Voici les cartes à grands points où vous pourrez le suivre. Le salon est à votre disposition et je vous demande la permission de me retirer. » Le capitaine Nemo me salua. Je restai seul, absorbé dans mes pensées. Toutes se portaient sur ce commandant du Nautilus. Saurais-je jamais à quelle nation appartenait cet homme étrange qui se vantait de n'appartenir à aucune? Cette haine qu'il avait vouée à l'humanité, cette haine qui cherchait peut-être des vengeances terribles, qui l'avait provoquée? Était-il un de ces savants méconnus, un de ces génies auxquels on a fait du chagrin, suivant l'expression de Conseil, un Galilée moderne, ou bien un de ces hommes de science comme l'Américain Maury, dont la carrière a été brisée par les révolutions politiques? Je ne pouvais encore le dire. Moi que le hasard venait de jeter à son bord, moi dont il tenait la vie entre les mains, il m'accueillait froidement mais hospitalièrement. Seulement, il n'avait jamais pris la main que je lui tendais. Il ne m'avait jamais tendu la sienne. Une heure entière, je demeurai plongé dans ses réflexions, cherchant à percer ce mystère si intéressant pour moi. Puis mes regards se fixèrent sur le vaste planisphère étalé sur la table, et je plaçai le doigt sur le point même où se croisaient la longitude et la latitude observées. La mer a ses fleuves comme les continents. Ce sont des courants spéciaux, reconnaissables à leur température, à leur couleur, et dont le plus remarquable est connu sous le nom de Gulf Stream. La science a déterminé sur le globe la direction de 5 courants principaux, un dans l'Atlantique Nord, un second dans l'Atlantique Sud, un troisième dans le Pacifique Nord, un quatrième dans le Pacifique Sud et un cinquième dans l'océan Indien Sud. Il est même probable qu'un sixième courant existait dans l'océan Indien Nord lorsque les mers Caspienne et d'Aral, réunies au Grand Lac de l'Asie, ne formaient qu'une seule et même étendue d'eau. Or, au point indiqué sur le planisphère, se déroulait l'un de ces courants, le Kuroshivo des Japonais, le fleuve noir, qui sortit du golfe du Bengale où le chauffent les rayons perpendiculaires du soleil des tropiques, traverse le détroit de Malacca, prolonge la côte d'Asie, s'arrondit dans le Pacifique Nord jusqu'aux îles Aléoutiennes, charriant des troncs de camphrier et autres produits indigènes, et tranchant par le pur indigo de ses eaux chaudes avec les flots de l'océan. C'est ce courant que le Nautilus allait parcourir. Je le suivais du regard, je le voyais se perdre dans l'immensité du Pacifique, et je me sentais entraîné avec lui, quand Ned Land et Conseil apparurent à la porte du salon. Mes deux braves compagnons restèrent pétrifiés à la vue des merveilles entassées devant leurs yeux. « Où sommes-nous ? » s'écria le Canadien. « Au Muséum de Québec ?»« S'il plaît à monsieur, » répliqua Conseil, « ce serait plutôt à l'hôtel du Summerhead. » « Mes amis, » répondis-je en leur faisant signe d'entrée, « vous n'êtes ni au Canada ni en France, mais bien à bord du Nautilus et à 50 mètres au-dessous du niveau de la mer. » « Il faut croire monsieur, puisque monsieur l'affirme, » répliqua Conseil. « Mais franchement, ce salon est fait pour étonner même un flamand comme moi. »« Étonne-toi, mon ami, et regarde, car pour un classificateur de ta force, il y a de quoi travailler ici. » Je n'avais pas besoin d'encourager Conseil. Le brave garçon, penché sur les vitrines, murmurait déjà des mots de la langue des naturalistes. « Classe des gastéropodes. » Famille des buccinoïdes, genre de porcelaine, espèce de Cyprae madagascarensis, etc. Pendant ce temps, Ned Land, assez peu conchyliologue, m'interrogeait sur mon entrevue avec le capitaine Nemo. Avais-je découvert qui il était, d'où il venait, où il allait, vers quelle profondeur il nous entraînait? Enfin, 1000 questions auxquelles je n'avais pas le temps de répondre. Je lui appris tout ce que je savais, ou plutôt tout ce que je ne savais pas, et je lui demandai ce qu'il avait entendu ou vu de son côté. « Rien vu, rien entendu, » répondit le Canadien. « Je n'ai pas même aperçu l'équipage de ce bateau. Est-ce que par hasard il serait électrique, aussi, lui ?»« Électrique ? Par ma foi, on serait tenté de le croire, Mais vous, monsieur Aronnax, demanda Ned Land, qui avait toujours son idée, vous ne pouvez me dire combien d'hommes il y a à bord? 10, 20, 50, 100? Je ne saurais vous répondre, maître Land. D'ailleurs, croyez-moi, abandonnez pour le moment cette idée de vous emparer du Nautilus ou de le fuir. Ce bateau est un des chefs-d'œuvre de l'industrie moderne, et je regretterais de ne pas l'avoir vu. Bien des gens accepteraient la situation qui nous est faite, ne fût-ce que pour se promener à travers toutes ces merveilles. Ainsi, tenez-vous tranquille, et tâchons de voir ce qui se passe autour de nous. « Voir !» s'écria le harponneur. « Mais on ne voit rien. On ne verra jamais rien hors de cette prison de tôle. Nous marchons, nous naviguons en aveugle. » Ned Land prononçait ces mots quand l'obscurité se fit subitement, mais une obscurité absolue. Le plafond lumineux s'éteignit, et si rapidement que mes yeux en ressentirent une sorte d'impression douloureuse, analogue à celle que produit le passage contraire des profondes ténèbres à la plus éclatante lumière. Nous étions restés muets, ne remuant pas, ne sachant quelle surprise agréable ou désagréable nous attendait. Mais un glissement se fit entendre. On eût dit que les panneaux se manœuvraient sur les flancs du Nautilus. « C'est la fin de la fin, » dit Ned Land. « Ordre des hydroméduses, » murmura Conseil. Soudain, le jour se fit de chaque côté du salon, à travers deux ouvertures oblongues. Les masses liquides apparurent vivement éclairées par les effluves électriques. Deux plaques de cristal nous séparaient de la mer. Je frémis, d'abord, à la pensée que cette fragile paroi pouvait se briser, mais de fortes armatures de cuivre la maintenaient et lui donnaient une résistance presque infinie. La mer était distinctement visible dans un rayon d'un mille autour du Nautilus. Quel spectacle! Quelle plume le pourrait décrire! Qui saurait peindre les effets de la lumière à travers ces masses transparentes, et la douceur de ces dégradations successives jusqu'aux couches inférieures et supérieures de l'océan? On connaît la diaphanéité de la mer. On sait que sa limpidité l'emporte sur celle de l'eau de roche. Les substances minérales et organiques qu'elle tient en suspension accroissent même sa transparence. Dans certaines parties de l'océan, aux Antilles, 145 mètres d'eau laissent apercevoir le lit de sable avec une surprenante netteté. Et la force de pénétration des rayons solaires ne paraît s'arrêter qu'à une profondeur de 300 mètres. Mais dans ce milieu fluide que parcourait le Nautilus, l'éclat électrique se produisait au sein même des ondes. Ce n'était plus de l'eau lumineuse, mais de la lumière liquide. Si l'on admet l'hypothèse d'Ehrenberg, qui croit à une illumination phosphorescente des fonds sous-marins, la nature a certainement réservé pour les habitants de la mer l'un de ses plus prodigieux spectacles, et j'en pouvais juger ici par 1000 feux de cette lumière. De chaque côté, j'avais une fenêtre ouverte sur ces abîmes inexplorés. L'obscurité du salon faisait valoir la clarté extérieure, et nous regardions comme si ce pur cristal eût été la vitre d'un immense aquarium. Pendant 2 heures, toute une armée aquatique fit escorte au Nautilus. Au milieu de leurs jeux, de leurs bonds, tandis qu'ils rivalisaient de beauté, d'éclat et de vitesse, je distinguais le labre vert, le mule barberin, marqué d'une double raie noire, le gobi héliotre, à caudale arrondie, blanc de couleur et tacheté de violet sur le dos, le scombre japonais, admirable maquereau de ces mers au corps bleu, et à la tête argentée, de brillant azur or, dont le nom seul emporte toute description, des spares rayés aux nageoires variées de bleu et de jaune, des spares facés, relevés d'une bande noire sur leur caudale, des spares zonéphores, élégamment corsetés dans leur ceinture, des holostones, véritables bouches en flûte, ou bécasses de mer, dont quelques échantillons atteignent une longueur d'un mètre, des salamandres du Japon, des murènes échidnées, longs serpents de 6 pieds aux yeux vifs et petits, à la vaste bouche hérissée de dents. Notre admiration se maintenait toujours au plus haut point. Nos interjections ne tarissaient pas. Ned nommait les poissons. Conseil les classait. Moi, je m'extasiais devant la vivacité de leurs allures et la beauté de leurs formes. Jamais il ne m'avait été donné de surprendre ces animaux, vivants et libres dans leur élément naturel. Je ne citerai pas toutes les variétés qui passèrent ainsi devant nos yeux éblouis. Toute cette collection des mers du Japon et de la Chine, ces poissons accouraient plus nombreux que les oiseaux dans l'air, attirés sans doute par l'éclatant foyer de lumière électrique. Subitement, le jour se fit dans le salon. Les panneaux de tôle se refermèrent. L'enchanteresse vision disparut. Mais longtemps je rêvais encore, jusqu'au moment où mes regards se fixèrent sur les instruments suspendus aux parois. La boussole montrait toujours la direction au nord-nord-est. Le manomètre indiquait une pression de 5 atmosphères, correspondant à une profondeur de 50 mètres, et le loch électrique donnait une marche de 15 000 à l'heure. J'attendais le capitaine Nemo. Mais il ne parut pas. L'horloge marquait 5 heures. Ned Land et Conseil retournèrent à leur cabine. Moi, je regagnai ma chambre. Mon dîner s'y trouvait préparé. Il se composait d'une soupe à la tortue faite des carrés les plus délicats, d'un surmulet à chair blanche, un peu feuilleté, dont le foie préparé à part fit un manger délicieux, et le filet de cette viande de l'holocante empereur dont la saveur me parut supérieure à celle du saumon. Je passai la soirée à lire, à écrire, à penser, puis le sommeil me gagnant, je m'étendis sur ma couche de zostère et je m'endormis profondément, pendant que le Nautilus se glissait à travers le rapide courant du fleuve noir. 15e chapitre. Une invitation par lettre. Le lendemain, 9 novembre, je ne me réveillai qu'après 12 heures de sommeil. Conseil vint, suivant son habitude, savoir comment monsieur avait passé la nuit, et lui offrir ses services. Il avait laissé son ami le Canadien dormant comme un homme qui n'aurait fait que cela toute sa vie. Je laissai ce brave garçon babiller à sa fantaisie, sans trop lui répondre. J'étais assez préoccupé de l'absence du capitaine Nemo, qui n'avait pas paru pendant notre séance de la veille, et j'espérais le revoir aujourd'hui. Bientôt, j'eus revêtu mes vêtements de byssus. Leur nature provoqua plus d'une fois les réflexions de Conseil. Je lui appris qu'ils étaient fabriqués avec les filaments lustrés et soyeux qui rattachent aux rochers les jambonneaux, sorte de mollusque très abondant sur les bords de la Méditerranée. Autrefois, on en faisait de belles étoffes, des bas, des gants, car ils étaient à la fois très moelleux et très chauds. L'équipage du Nautilus pouvait donc se vêtir à bon compte, sans rien demander ni aux cotonniers, ni aux moutons, ni aux vers à soie de la terre. La journée entière se passa, sans que je fusse honoré de la visite du capitaine Nemo. Les panneaux du salon ne s'ouvrirent pas, peut-être ne voulait-on pas nous blaser sur ces belles choses. La direction du Nautilus se maintient à l'est-nord-est, sa vitesse à 12 000, sa profondeur entre 50 et 60 mètres. Le lendemain 10 novembre, même abandon, même solitude. Je ne vis personne de l'équipage. Ned et Conseil passèrent la plus grande partie de la journée avec moi. Ils s'étonnèrent de l'inexplicable absence du capitaine. Cet homme singulier était-il malade? Voulait-il modifier ses projets à notre égard? Après tout, suivant la remarque de Conseil, nous jouissions d'une entière liberté. Nous étions délicatement nourris. Notre hôte se tenait dans les termes de son traité. Nous ne pouvions nous plaindre, et d'ailleurs la singularité même de notre destinée nous réservait de si belles compensations que nous n'avions pas encore le droit de l'accuser. Le 11 novembre, de grand matin, L'air frais répandu à l'intérieur du Nautilus m'apprit que nous étions revenus à la surface de l'océan afin de renouveler les provisions d'oxygène. Je me dirigeai vers l'escalier central et je montai sur la plateforme. Il était 6 heures. Je trouvais le temps couvert, la mer grise mais calme. À peine de houle. Le capitaine Nemo que j'espérais rencontrer là viendrait-il? Je n'aperçus que le timonier, emprisonné dans sa cage de verre. Assis sur la saillie produite par la coque du canot, j'aspirai avec délice les émanations salines. Peu à peu, la brume se dissipa sous l'action des rayons solaires. L'astre radieux débordait de l'horizon oriental. La mer s'enflamma sous son regard comme une traînée de poudre. Les nuages, éparpillés dans les hauteurs, se colorèrent de tons vifs, admirablement nuancés, et de nombreuses langues de chat annoncèrent du vent pour toute la journée. Mais que faisait le vent à ce Nautilus que les tempêtes ne pouvaient effrayer? J'admirai donc ce joyeux lever de soleil, si gai, si vivifiant, lorsque j'entendis quelqu'un monter sur la plateforme. Je me préparais à saluer le capitaine Nemo, mais ce fut son second qui parut. Il s'avança sur la plateforme et ne sembla pas s'apercevoir de ma présence. Une puissante lunette aux yeux, il scruta tous les points de l'horizon avec une attention extrême, puis cet examen fait, il s'approcha du panneau et prononça une phrase dont voici exactement les termes. Je l'ai retenue car chaque matin, elle se reproduisait dans des conditions identiques. Elle était ainsi conçue. Notron respoc lorni virch. Ce qu'elle signifiait, je ne saurais le dire. Ces mots prononcés, le second redescendit. Je pensais que le Nautilus allait reprendre sa navigation sous-marine. Je regagnai donc le panneau, et par les coursives, je revins à ma chambre. 5 jours s'écoulèrent ainsi, sans que la situation se modifiât. Chaque matin, je montais sur la plateforme, et la même phrase était prononcée par le même individu. Le capitaine Nemo ne paraissait pas. J'avais pris mon pari de ne plus le voir quand, le 16 novembre, rentré dans ma chambre avec Ned et Conseil, je trouvai sur la table un billet à mon adresse. Je l'ouvris d'une main impatiente. Il était écrit d'une écriture franche, nette, mais un peu gothique et qui rappelait les types allemands. Ce billet était libellé en ces termes. « Monsieur le professeur Aronnax à bord du Nautilus. 16 novembre 1867. Le capitaine Nemo invite monsieur le professeur Aronnax à une partie de chasse qui aura lieu demain matin dans les forêts de l'île Crespo. Il espère que rien ne l'empêchera d'y assister, et il verra avec plaisir ses compagnons se joindre à lui. Le commandant du Nautilus, capitaine Nemo. Une chasse, s'écria Ned. Et dans ces forêts de l'île Crespo, ajouta Conseil. Mais il va donc à terre, ce particulier-là, demanda Ned Land. Cela me paraît clairement indiqué, dis-je en relisant la lettre. Eh bien, il faut accepter, répliqua le Canadien. Une fois sur la terre ferme, nous aviserons à prendre un parti. D'ailleurs, je ne serais pas fâché de manger quelques morceaux de venaison fraîche. » Sans chercher à concilier ce qu'il y avait de contradictoire entre l'horreur manifeste du capitaine Nemo pour les continents et les îles et son invitation de chasser en forêt, je me contentai de répondre. Voyons d'abord ce que c'est que l'île Crespo. Je consultai le planisphère et par 32°40 de latitude nord et 167°50 de longitude ouest, je trouvai un îlot qui fut reconnu en 1801 par le capitaine Crespo et que les anciennes cartes espagnoles nommaient Roca de la Plata, c'est-à-dire roche d'argent. Nous étions donc à 1800 milles environ du point de départ et la direction un peu modifiée du Nautilus le ramenait vers le sud-est. Je montrai à mes compagnons ce petit roc perdu au milieu du Pacifique Nord. Si le capitaine Nemo va quelquefois à terre, leur dis-je, il choisit du moins des îles absolument désertes. Ned Land hocha la tête sans répondre, puis Conseil et lui me quittèrent. Après un souper qui me fut servi par le steward muet et impassible, je m'endormis, non sans quelques préoccupations. Le lendemain, 17 novembre, à mon réveil, je sentis que le Nautilus était absolument immobile. Je m'habillai lestement et j'entrai dans le grand salon. Le capitaine Nemo était là. Il m'attendait, se leva, salua et me demanda s'il nous convenait de l'accompagner. Comme il ne fit aucune allusion à son absence pendant ces 8 jours, je m'abstins de lui en parler et je répondis simplement que mes compagnons et moi, nous étions prêts à le suivre. « Seulement, monsieur, ajoutai-je, je me permettrai de vous adresser une question. » « Adressez, monsieur Aronnax, et si je puis y répondre, j'y répondrai. »« Eh bien, capitaine, comment se fait-il que vous, qui avez rompu toute relation avec la Terre, vous possédiez des forêts dans l'île Crespo ?»« Monsieur le professeur, me répondit le capitaine, les forêts que je possède ne demandent au soleil ni sa lumière ni sa chaleur. Ni les lions, ni les tigres, ni les panthères, ni aucun quadrupède ne les fréquentent. Elles ne poussent que pour moi seul. » Ce ne sont point des forêts terrestres, mais des forêts sous-marines. « Des forêts sous-marines ? » m'écriai-je. « Oui, monsieur le professeur. » « Et vous m'offrez de m'y conduire ?»« Précisément. » « À pied ?»« Et même à pied sec. » « En chassant ?»« En chassant. » « Le fusil à la main ?»« Le fusil à la main. » Je regardai le commandant du Nautilus d'un air qui n'avait rien de flatteur pour sa personne. « Décidément, il a le cerveau malade, pensais-je. » Il a eu un accès qui a duré 8 jours, et même qui dure encore. C'est dommage, je l'aimais bien mieux étrange que fou. Cette pensée se lisait clairement sur mon visage, mais le capitaine Nemo se contenta de m'inviter à le suivre, et je le suivis en homme résigné à tout. Nous arrivâmes dans la salle à manger où le déjeuner se trouvait servi. « Monsieur Aronnax, me dit le capitaine, je vous prierai de partager mon déjeuner sans façon. » Nous causerons en mangeant, mais si je vous ai promis une promenade en forêt, je ne me suis point engagé à vous y faire rencontrer un restaurant. Déjeunez donc en homme qui ne dînera probablement que fort tard. Je fis honneur au repas. Il se composait de divers poissons et de tranches d'holothurie, excellents zoophytes, relevés d'algues très apéritives, telles que la Porphyria lacinata et la Laurentia primafetida. La boisson se composait d'eau limpide mélangée d'une liqueur fermentée, extraite, suivant la méthode kamtchatkienne, de l'algue connue sous le nom de Rhodomenie palmée. Le capitaine Nemo mangea d'abord, sans prononcer une seule parole, puis il me dit « Monsieur Aronnax, quand je vous ai proposé de venir chasser dans mes forêts de Crespo, vous m'avez cru en contradiction avec moi-même. » Quand je vous ai appris qu'il s'agissait de forêts sous-marines, vous m'avez cru fou. Monsieur le professeur, il ne faut jamais juger les hommes à la légère. Mais, capitaine, croyez que... Veuillez m'écouter et vous verrez si vous devez m'accuser de folie ou de contradiction. Je vous écoute. Monsieur le professeur, vous le savez aussi bien que moi, l'homme peut vivre sous l'eau à la condition d'emporter avec lui sa provision d'air respirable. Dans les travaux sous-marins, l'ouvrier, revêtu d'un vêtement imperméable et la tête emprisonnée dans une capsule de métal, reçoit l'air de l'extérieur au moyen de pompes foulantes et de régulateurs d'écoulement. C'est l'appareil des scaphandres, dis-je. En effet, mais dans ces conditions, l'homme n'est pas libre. Il est rattaché à la pompe qui lui envoie l'air par un tuyau de caoutchouc, véritable chaîne qui le rive à la terre, et si nous étions retenus au Nautilus, nous ne pourrions aller loin. « Et le moyen d'être libre ? » demandai-je. « C'est d'employer l'appareil Rouquayrol-Denayrouze, imaginé par 2 de vos compatriotes, mais que j'ai perfectionné pour mon usage, et qui permettra de vous risquer, dans ces nouvelles conditions physiologiques, sans que vos organes en souffrent aucunement. Il se compose d'un réservoir en tôle épaisse, dans lequel j'emmagasine l'air sous une pression de 50 atmosphères. Le réservoir se fixe sur le dos, au moyen de bretelles, comme un sac de soldat. Sa partie supérieure forme une boîte dont l'air, maintenu par un mécanisme à soufflet, ne peut s'échapper qu'à sa tension normale. Dans l'appareil Rouquayrol tel qu'il est employé, deux tuyaux de caoutchouc partant de cette boîte viennent aboutir à une sorte de pavillon qui emprisonne le nez et la bouche de l'opérateur. L'un sert à l'introduction de l'air inspiré, l'autre à l'issue de l'air expiré, et la langue ferme celui-ci, ou celui-là, suivant les besoins de la respiration. Mais moi qui affronte des pressions considérables au fond des mers, j'ai dû enfermer ma tête, comme celle des scaphandres, dans une sphère de cuivre, et c'est à cette sphère qu'aboutissent les deux tuyaux inspirateurs et expirateurs. Parfaitement, capitaine Nemo. Cependant, l'air que vous emportez doit s'user vite, et dès qu'il ne contient plus que 15% d'oxygène, il devient irrespirable. Sans doute, mais je vous l'ai dit, monsieur Aronnax, les pompes du Nautilus me permettent de l'emmagasiner sous une pression considérable. Et dans ces conditions, le réservoir de l'appareil peut fournir de l'air respirable pendant 9 ou 10 heures. Je n'ai plus d'objection à faire, répondis-je. Je vous demanderai seulement comment, pour éclairer votre route au fond de l'océan. Avec l'appareil Ruhmkorff, monsieur Aronnax. Si le premier se porte sur le dos, le second s'attache à la ceinture. Il se compose d'une pile de benzène que je mets en activité, non avec du bichromate de potasse, mais avec ce sodium dont la mer est saturée. Une bobine d'induction recueille l'électricité produite, la dirige vers une lanterne d'une disposition particulière. Dans cette lanterne se trouve un serpentin de verre qui contient seulement un résidu de gaz carbonique. Quand l'appareil fonctionne, ce gaz devient lumineux en donnant une lumière blanchâtre et continue. Ainsi pourvu, je respire et je vois. Capitaine Nemo, à toutes mes objections, vous faites de si écrasantes réponses que je n'ose plus douter. Cependant, si je suis forcé d'admettre les appareils Rouquayrol et Ruhmkorff, je demande à faire des réserves pour le fusil dont vous voulez m'armer. Mais ce n'est point un fusil à poudre, répondit le capitaine. C'est donc un fusil à vent? Sans doute. Comment voulez-vous que je fabrique de la poudre à mon bord, n'ayant ni salpêtre, ni soufre, ni charbon? D'ailleurs, dis-je, pour tirer utilement sous l'eau, dans ce milieu 855 fois plus dense que l'air, il faudrait vaincre une résistance considérable. Ce ne serait pas une raison. Il existe certains canons perfectionnés après Fulton par les Anglais Philip Coles et Burley, par le Français Fursi, par l'Italien Landi, et qui, munis d'un système particulier de fermeture, peuvent tirer dans ces conditions. Mais je vous le répète, n'ayant pas de poudre, je l'ai remplacé par de l'air à haute pression que les pompes du Nautilus me fournissent abondamment. Cet air doit rapidement s'user. Eh bien, n'ai-je pas mon réservoir Rouquayrol qui peut au besoin m'en fournir? Il suffit pour cela d'un robinet ad hoc. D'ailleurs, monsieur Aronnax, vous verrez par vous-même que pendant ces chasses sous-marines, on ne fait pas grande dépense d'air ni de balles. Cependant, il me semble que dans cette demi-obscurité et au milieu de ce liquide très dense par rapport à l'atmosphère, les coups ne peuvent porter loin et sont difficilement mortels. Monsieur, avec ce fusil, tous les coups sont mortels. Au contraire, et dès qu'un animal est touché, si légèrement que ce soit, il tombe foudroyé. Pourquoi? Parce que ce ne sont pas des balles ordinaires que ce fusil lance, mais de petites capsules de verre inventées par le chimiste autrichien Leniebruck, et dont j'ai un approvisionnement considérable. Ces capsules de verre, recouvertes d'une armature d'acier et alourdies par un culot de plomb, sont de véritables petites bouteilles de LED dans lesquelles l'électricité est forcée à une très haute tension. Au plus léger choc, elle se décharge et l'animal, si puissant qu'il soit, tombe mort. J'ajouterai que ces capsules ne sont pas plus grosses que du numéro 4 et que la charge d'un fusil ordinaire pourrait en contenir 10. Je ne discute plus, répondis-je en me levant de table, et je n'ai plus qu'à prendre mon fusil. D'ailleurs, où vous irez, j'irai. Le capitaine me conduisit vers l'arrière du Nautilus, et passant devant la cabine de Ned et de Conseil, j'appelai mes deux compagnons qui nous suivirent aussitôt. Puis nous arrivâmes à une cellule située en abord, près de la chambre des machines, et dans laquelle nous devions revêtir nos vêtements de promenade. Chapitre 16. Promenade en plaine. Cette cellule était, à proprement parler, l'arsenal et le vestiaire du Nautilus. Une douzaine d'appareils de scaphandres, suspendus à la paroi, attendaient les promeneurs. Ned Land, en les voyant, manifesta une répugnance évidente à s'en vêtir. « Mais, mon brave Ned, lui dis-je, les forêts de l'île Crespo ne sont que des forêts sous-marines. »« Bon, fit le harponneur désappointé, qui voyait s'évanouir ses rêves de viande fraîche. « Et vous, monsieur Aronnax, vous allez vous introduire dans ces habits-là ?»« Il le faut bien, maître Ned. » »« Libre à vous, monsieur, répondit le harponneur, haussant les épaules. « Mais quant à moi, à moins qu'on ne m'y force, je n'entrerai jamais là-dedans. » « On ne vous forcera pas, maître Ned, » dit le capitaine Nemo. « Et Conseil va se risquer ?» demanda Ned. « Je suis monsieur partout où va monsieur, » répondit Conseil. Sur un appel du capitaine, deux hommes de l'équipage vinrent nous aider à revêtir ces lourds vêtements imperméables, faits en caoutchouc sans couture, et préparés de manière à supporter des pressions considérables. On eût dit une armure à la fois souple et résistante. Ces vêtements formaient pantalon et veste. Le pantalon se terminait par d'épaisses chaussures, garnies de lourdes semelles de plomb. Le tissu de la veste était maintenu par des lamelles de cuivre qui cuirassaient la poitrine, la défendaient contre la poussée des os et laissaient les poumons fonctionner librement. Ses manches finissaient en forme de gants assouplis qui ne contrariaient aucunement les mouvements de la main. Il y avait loin, on le voit, de ces scaphandres perfectionnés, aux vêtements informes tels que les cuirasses de liège, les soubre-vestes, les habits de mer, les coffres, etc., qui furent inventés et prônés dans le XVIIIe siècle. Le capitaine Nemo, un de ses compagnons, sorte d'Hercule qui devait être d'une force prodigieuse, Conseil et moi, nous eûmes bientôt revêtu ces habits de scaphandre. Il ne s'agissait plus que d'emboîter notre tête dans sa sphère métallique. Mais avant de procéder à cette opération, je demandai au capitaine la permission d'examiner les fusils qui nous étaient destinés. L'un des hommes du Nautilus me présenta un fusil simple, dont la crosse, faite en tôle d'acier et creuse à l'intérieur, était d'assez grande dimension. Elle servait de réservoir à air comprimé, qu'une soupape, manœuvrée par une gâchette, laissait échapper dans le tube de métal. Une boîte à projectiles, évidée dans l'épaisseur de la crosse, renfermait une vingtaine de balles électriques, qui, au moyen d'un ressort, se plaçaient automatiquement dans le canon du fusil. Dès qu'un coup était tiré, l'autre était prêt à partir. « Capitaine Nemo, dis-je, cette arme est parfaite, et d'un maniement facile, je ne demande plus qu'à l'essayer. Mais comment allons-nous gagner le fond de la mer ?»« En ce moment, monsieur le professeur, le Nautilus est échoué par 10 mètres d'eau, et nous n'aurons plus qu'à partir. »« Comment sortirons-nous ?»« Vous l'allez voir. » Le capitaine Nemo introduisit sa tête dans la calotte sphérique, Conseil et moi nous en fîmes autant, non sans avoir entendu le Canadien nous lancer un « bonne chasse » ironique. Le haut de notre vêtement était terminé par un collet de cuivre taraudé, sur lequel se vissait ce casque de métal. Trois trous, protégés par des verres épais, permettaient de voir dans toutes les directions, rien qu'en tournant la tête à l'intérieur de cette sphère. Dès qu'elle fut en place, les appareils Rouquayrol placés sur notre dos commencèrent à fonctionner, et, pour mon compte, je respirais à l'aise. La lampe Ruhmkorff suspendue à ma ceinture, le fusil à la main, j'étais prêt à partir. Mais, pour être franc, emprisonné dans ces lourds vêtements et cloué au tillac par mes semelles de plomb, il m'eût été impossible de faire un mouvement. Mais ce cas était prévu. Et je sentis que l'on me poussait dans une petite chambre contiguë au vestiaire. Mes compagnons, également remorqués, me suivaient. J'entendis une porte, munie d'obturateurs, se refermer sur nous, et une profonde obscurité nous enveloppa. Après quelques minutes, un vif sifflement parvint à mon oreille. Je sentis une certaine impression de froid monter de mes pieds à ma poitrine. Évidemment, de l'intérieur du bateau, on avait, par un robinet, donné entrée à l'eau extérieure qui nous envahissait, et dont cette chambre fut bientôt remplie. Une seconde porte, percée dans le flanc du Nautilus, s'ouvrit alors, un demi-jour nous éclaira, un instant après, nos pieds foulaient le fond de la mer. Nous marchions sur un sable fin, uni, non ridé comme celui des plages qui conservent l'empreinte de la houle. Ce tapis éblouissant, véritable réflecteur, repoussait les rayons du soleil avec une surprenante intensité. De là, cette immense réverbération qui pénétrait toutes les molécules liquides. Serais-je cru si j'affirme qu'à cette profondeur de 30 pieds, j'y voyais comme en plein jour? Pendant un quart d'heure, je foulais ce sable ardent, semé d'une impalpable poussière de coquillages. La coque du Nautilus, dessinée comme un long écueil, disparaissait peu à peu, mais son fanal, lorsque la nuit se serait faite au milieu des eaux, devait faciliter notre retour à bord en projetant ses rayons avec une netteté parfaite. Effet difficile à comprendre pour qui n'a vu que sur terre ces nappes blanchâtres si vivement accusées. Là, la poussée dont l'air est saturé leur donne l'apparence d'un brouillard lumineux, mais sur mer comme sous mer, ces traits électriques se transmettent avec une incomparable pureté. Cependant, nous allions toujours, et la vaste plaine de sable semblait être sans bornes. J'écartais de la main les rideaux liquides qui se refermaient derrière moi, et la trace de mes pas s'effaçait soudain sous la pression des eaux. Bientôt, quelques formes d'objets, à peine estompés dans l'éloignement, se dessinèrent à mes yeux. Je reconnus de magnifiques premiers plans de rochers, tapissés de zoophytes du plus bel échantillon, et je fus tout d'abord frappé d'un effet spécial à ce milieu. Il était alors 10 heures du matin. Les rayons du soleil frappaient la surface des flots sous un angle assez oblique, et au contact de leur lumière décomposée par la réfraction comme à travers un prisme, fleurs, rochers, plantules, coquillages, polypes se nuançaient sur leurs bords des 7 couleurs du spectre solaire. C'était une merveille, une fête des yeux que cet enchevêtrement de tons colorés, une véritable kaléidoscopie de vert, de jaune, d'orange, de violet, d'indigo, de bleu, en un mot, toute la palette d'un coloriste enragé. Que ne pouvais-je communiquer à Conseil les vives sensations qui me montaient au cerveau et rivaliser avec lui d'interjections admiratives? Que ne savais-je, comme le capitaine Nemo et son compagnon, échanger mes pensées au moyen de signes convenus? Aussi, faute de mieux, je me parlais à moi-même. Je criais dans la boîte de cuivre qui coiffait ma tête, dépensant peut-être en vaines paroles plus d'air qu'il ne convenait. Mais il fallait marcher, et nous allions en avant, pendant que voguaient au-dessus de nos têtes des troupes de physalies, laissant leurs tentacules d'outre-mer flotter à la traîne, des méduses dont l'ombrelle opaline ou rose tendre, festonnée d'un liston d'azur, nous abritait des rayons solaires, et des pélagies panopyres qui, dans l'obscurité, eussent semé notre chemin de lueurs phosphorescentes. Toutes ces merveilles, je les entrevis dans l'espace d'un quart de mille, m'arrêtant à peine et suivant le capitaine Nemo qui me rappelait d'un geste. Bientôt, la nature du sol se modifia. À la plaine de sable succéda une couche de vase visqueuse, que les Américains nomment oise, uniquement composée de coquilles siliceuses ou calcaires. Puis nous parcourûmes une prairie d'algues, plantes pélagiennes que les eaux n'avaient pas encore arrachées et dont la végétation était fougueuse. Ces pelouses à tissus serrés, douces aux pieds, eussent rivalisé avec les plus moelleux tapis tissés par la main des hommes. Mais en même temps que la verdure s'étalait sous nos pas, elle n'abandonnait pas nos têtes. un léger berceau de plantes marines classées dans cette exubérante famille des algues dont on connaît plus de 2000 espèces, se croisait à la surface des eaux. Je voyais flotter de longs rubans de fucus, les uns globuleux, les autres tubulés, des laurencies, des clastothèphes, aux feuillages si déliés, des rhodinèmes palmés, semblables à des éventails de cactus. J'observai que les plantes vertes se maintenaient plus près de la surface de la mer, tandis que les rouges occupaient une profondeur moyenne, laissant aux hydrophytes noires ou brunes le soin de former les jardins et les parterres des couches reculées de l'océan. Ces algues sont véritablement un prodige de la création, une des merveilles de la flore universelle. Cette famille produit à la fois les plus petits et les plus grands végétaux du globe. Car, de même qu'on a compté 40 000 de ces imperceptibles plantules dans un espace de 5 mm², de même on a recueilli des fucus dont la longueur dépassait 500 mètres. Nous avions quitté le Nautilus depuis 1h30 environ. Il était près de midi. Je m'en aperçus à la perpendicularité des rayons solaires qui ne se réfractaient plus. La magie des couleurs disparut peu à peu, et les nuances de l'émeraude et du saphir s'effacèrent de notre firmament. Nous marchions d'un pas régulier qui résonnait sur le sol, avec une intensité étonnante. Les moindres bruits se transmettaient avec une vitesse à laquelle l'oreille n'est pas habituée sur la Terre. En effet, l'eau est pour le son un meilleur véhicule que l'air, et il s'y propage avec une rapidité quadruple. À ce moment, le sol s'abaissa par une pente prononcée. La lumière prit une teinte uniforme. Nous atteignîmes une profondeur de 100 mètres, subissant alors une pression de 10 atmosphères. Mais mon vêtement de scaphandre était établi dans des conditions telles que je ne souffrais aucunement de cette pression. Je sentais seulement une certaine gêne aux articulations des doigts, et encore, ce malaise ne tarda-t-il pas à disparaître. Quant à la fatigue que devait amener cette promenade de 2 heures sous un harnachement dont j'avais si peu l'habitude, elle était nulle. Mes mouvements, aidés par l'eau, se produisaient avec une surprenante facilité. Arrivé à cette profondeur de 300 pieds, je percevais encore les rayons du soleil, mais faiblement. À leur éclat intense avait succédé un crépuscule rougeâtre, moyen terme entre le jour et la nuit. Cependant, nous voyions suffisamment à nous conduire, et il n'était pas encore nécessaire de mettre les appareils Ruhmkorff en activité. À ce moment, le capitaine Nemo s'arrêta. Il attendit que je l'eusse rejoint, et du doigt il me montra quelques masses obscures qui s'accusaient dans l'ombre, à une petite distance. « C'est la forêt de l'île Crespo, » pensais-je, et je ne me trompais pas. Chapitre 17. Une forêt sous-marine. Nous étions enfin arrivés à la lisière de cette forêt, sans doute l'une des plus belles de l'immense domaine du capitaine Nemo. Il la considérait comme étant la sienne et s'attribuait sur elle les mêmes droits qu'avaient les premiers hommes au premier jour du monde. D'ailleurs, qui lui eût disputé la possession de cette propriété sous-marine? Quel autre pionnier plus hardi serait venu, la hache à la main, en défricher les sombres taillis? Cette forêt se composait de grandes plantes arborescentes, et, dès que nous eûmes pénétré sous ces vastes arceaux, mes regards furent tout d'abord frappés d'une singulière disposition de leurs ramures, disposition que je n'avais pas encore observée jusqu'alors. Aucune des herbes qui tapissaient le sol, aucune des branches qui hérissaient les arbrisseaux ne rampait, ni ne se courbait, ni ne s'étendait dans un plan horizontal. Toutes montaient vers la surface de l'océan. Pas de filaments, pas de rubans si minces qu'ils fussent, qui ne se tinssent droits comme des tiges de fer. Les fucus et les lianes se développaient suivant une ligne rigide et perpendiculaire, commandée par la densité de l'élément qu'ils avaient produit. Immobiles, d'ailleurs, lorsque je les écartais de la main, ces plantes reprenaient aussitôt leur position première. C'était ici le règne de la verticalité. Bientôt, je m'habituai à cette disposition bizarre, ainsi qu'à l'obscurité relative qui nous enveloppait. Le sol de la forêt était sommé de blocs aigus, difficiles à éviter. La flore sous-marine m'y parut être assez complète, plus riche même qu'elle ne l'eût été sous les zones arctiques ou tropicales, où ses produits sont moins nombreux. Mais, pendant quelques minutes, je confondis involontairement les règnes entre eux, prenant des zoophytes pour des hydrophytes, des animaux pour des plantes. Et qui ne s'y fût trompé? La faune et la flore se touchent de si près dans ce monde sous-marin. Vers 1 heure, le capitaine Nemo donna le signe de la halte. J'en fus assez satisfait pour mon compte, et nous nous étendîmes sous un berceau d'alariers, dont les longues lanières amincies se dressaient comme des flèches. Cet instant de repos me parut délicieux. Il ne nous manquait que le charme de la conversation. Mais impossible de parler, impossible de répondre. J'approchai seulement ma grosse tête de cuivre de la tête de Conseil. Je vis les yeux de ce brave garçon briller de contentement, et en signe de satisfaction, il s'agita dans sa carapace de l'air le plus comique du monde. Après 4 heures de cette promenade, je fus très étonné de ne pas ressentir un violent besoin de manger. À quoi tenait cette disposition de l'estomac? Je ne saurais le dire. Mais en revanche, j'éprouvais une insurmontable envie de dormir, ainsi qu'il arrive à tous les plongeurs. Aussi mes yeux se fermèrent-ils bientôt derrière leur épaisse vitre, et je tombai dans une invincible somnolence que le mouvement de la marche en avant avait seul pu combattre jusqu'alors. Le capitaine Nemo et son robuste compagnon, étendus dans ce limpide cristal, nous donnaient l'exemple du sommeil. Combien de temps restai-je ainsi plongé dans cet assoupissement? Je ne pus l'évaluer. Mais lorsque je me réveillai, il me sembla que le soleil s'abaissait vers l'horizon. Le capitaine Nemo s'était déjà relevé, et je commençais à me détirer les membres quand une apparition inattendue me remit brusquement sur les pieds. À quelques pas, une monstrueuse araignée de mer, haute d'un mètre, me regardait de ses yeux louches, prête à s'élancer sur moi. Quoique mon habit de scaphandre fût assez épais pour me défendre contre les morsures de cet animal, je ne pus retenir un mouvement d'horreur. Conseil et le matelot du Nautilus s'éveillèrent en ce moment. Le capitaine Nemo montra à son compagnon le hideux crustacé qu'un coup de crosse abattit aussitôt, et je vis les horribles pattes du monstre se tordre dans des convulsions terribles. Cette rencontre me fit penser que d'autres animaux, plus redoutables, devaient hanter ces fonds obscurs, et que mon scaphandre ne me protégerait pas contre leurs attaques. Je n'y avais pas songé jusqu'alors, et je résolus de me tenir sur mes gardes. Je supposais, d'ailleurs, que cette halte marquait le terme de notre promenade. Mais je me trompais, et, au lieu de retourner au Nautilus, le capitaine Nemo continua son audacieuse excursion. Le sol se déprimait toujours, et sa pente s'accusant davantage, nous conduisit à de plus grandes profondeurs. Il devait être à peu près 3 heures quand nous atteignîmes une étroite vallée, creusée entre de hautes parois à pic, est située par 150 mètres de fond. Grâce à la perfection de nos appareils, nous dépassions ainsi de 90 mètres la limite que la nature semblait avoir imposée jusqu'ici aux excursions sous-marines de l'homme. Je dis 150 mètres, bien qu'aucun instrument ne me permît d'évaluer cette distance. Mais je savais que, même dans les mers les plus limpides, les rayons solaires ne peuvent pénétrer plus avant. Or, précisément, l'obscurité devint profonde. Aucun objet n'était visible à 10 pas. Je marchais donc en tâtonnant, quand je vis briller subitement une lumière blanche assez vive. le capitaine Nemo venait de mettre son appareil électrique en activité. Son compagnon l'imita. Conseil et moi, nous suivîmes leur exemple. J'établis, en tournant une vis, la communication entre la bobine et le serpentin de verre, et la mer, éclairée par nos quatre lanternes, s'illumina dans un rayon de 25 mètres. Le capitaine Nemo continua de s'enfoncer dans les obscures profondeurs de la forêt, dont les arbrisseaux se raréfiaient de plus en plus. J'observai que la vie végétale disparaissait plus vite que la vie animale. Les plantes, pélagiennes, abandonnaient déjà le sol devenu aride. Qu'un nombre prodigieux d'animaux, zoophytes, articulés, mollusques et poissons, y pullulaient encore. Tout en marchant, je pensais que la lumière de nos appareils Ruhmkorff devait nécessairement attirer quelques habitants de ces sombres couches. Mais s'ils nous approchèrent, ils se tinrent du moins à une distance regrettable pour des chasseurs. Plusieurs fois, je vis le capitaine Nemo s'arrêter et mettre son fusil en joue. Puis, après quelques instants d'observation, il le relevait et reprenait sa marche. Enfin, vers 4 heures environ, cette merveilleuse excursion s'acheva. Un mur de rochers superbe et d'une masse imposante se dressa devant nous, entassement de blocs gigantesques, énormes falaises de granit, creusées de grottes obscures, mais qui ne présentaient aucune rampe praticable. C'étaient les accores de l'île Crespo. C'était la terre. Le capitaine Nemo s'arrêta soudain. Un geste de lui nous fit faire halte, et si désireux que je fusse de franchir cette muraille, je dus m'arrêter. Ici finissaient les domaines du capitaine Nemo. Il ne voulait pas les dépasser. Au-delà, c'était cette portion du globe qu'il ne devait plus fouler du pied. Le retour commença. Le capitaine Nemo avait repris la tête de sa petite troupe, se dirigeant toujours sans hésiter. Je crus voir que nous ne suivions pas le même chemin pour revenir au Nautilus. Cette nouvelle route, très raide et par conséquent très pénible, nous rapprocha sensiblement de la surface de la mer. Cependant, ce retour dans les couches supérieures ne fut pas tellement subit que la décompression se fit trop rapidement, ce qui aurait pu amener dans notre organisme des désordres graves et déterminer ces lésions internes si fatales aux plongeurs. Très promptement, la lumière reparut, grandit, et le soleil étant déjà bas sur l'horizon, la réfraction borda de nouveau les divers objets d'un anneau spectral. À 10 mètres de profondeur, nous marchions au milieu d'un essaim de petits poissons de toutes espèces, plus nombreux que les oiseaux dans l'air, plus agiles aussi, mais aucun gibier aquatique, digne d'un coup de fusil, ne s'était encore offert à nos regards. À ce moment, je vis l'arme du capitaine, vivement épaulée, suivre entre les buissons un objet mobile. Le coup partit. J'entendis un faible sifflement, et un animal tomba foudroyé à quelques pas. C'était une magnifique loutre de mer, une énidre, le seul quadrupède qui soit exclusivement marin. Cette loutre, longue d'1,50 m, devait être d'un très grand prix. Sa peau, d'un brun marron en dessus, argentée en dessous, faisait une de ces admirables fourrures si recherchées sur les marchés russes et chinois. La finesse et le lustre de son poil lui assuraient une valeur minimum de 2 000 francs. J'admirais fort ce curieux mammifère à la tête arrondie et ornée d'oreilles courtes, aux yeux ronds, aux moustaches blanches et semblables à celles du chat, aux pieds palmés et inguiculés, à la queue touffue. Ce précieux carnassier, chassé et traqué par les pêcheurs, devient extrêmement rare, et il s'est principalement réfugié dans les portions boréales du Pacifique, où, vraisemblablement, son espèce ne tardera pas à s'éteindre. Le compagnon du capitaine Nemo vint prendre la bête, la chargea sur son épaule, et l'on se remit en route. Pendant 2 heures, nous suivîmes tantôt des plaines sableuses, tantôt des prairies de varech, fort pénibles à traverser. Franchement, je n'en pouvais plus, quand j'aperçus une vague lueur qui rompait à un demi-mille l'obscurité des eaux. C'était le fanal du Nautilus. Avant 20 minutes, nous devions être à bord, et là, je respirerais à l'aise, car il me semblait que mon réservoir ne fournissait plus qu'un air très pauvre en oxygène. Mais je comptais sans une rencontre qui retarda quelque peu notre arrivée. J'étais resté d'une 20aine de pas en arrière lorsque je vis le capitaine Nemo revenir brusquement vers moi. De sa main vigoureuse, il me coucha à terre, tandis que son compagnon en faisait autant de conseils. Tout d'abord, je ne sus que penser de cette brusque attaque. Mais je me rassurai en observant que le capitaine se couchait près de moi et demeurait immobile. J'étais donc étendu sur le sol, précisément à l'abri d'un buisson de varech, quand, en relevant la tête, j'aperçus l'énorme masse passer bruyamment en jetant des lueurs phosphorescentes. Mon sang se glaça dans mes veines. J'avais reconnu les formidables squales qui nous menaçaient. C'était un couple de tintoréas, requins terribles, à la queue énorme, au regard terne et vitreux, qui distillent une matière phosphorescente par des trous percés autour de leur museau. Monstrueuse mouche à feu, qui broient un homme tout entier dans leur mâchoire de fer. Je ne sais si Conseil s'occupait à les classer, mais pour mon compte j'observais leur ventre argenté, leur gueule formidable hérissée de dents, à un point de vue scientifique plutôt en victime qu'en naturaliste. Très heureusement, ces voraces animaux y voient mal. Ils passèrent sans nous apercevoir, nous effleurant de leurs nageoires brunâtres, et nous échappâmes comme par miracle à ce danger, plus grand à coup sûr que la rencontre d'un tigre en pleine forêt. Une demi-heure après, guidés par la traînée électrique, nous atteignions le Nautilus. La porte extérieure était restée ouverte et le capitaine Nemo la referma dès que nous fûmes rentrés dans la première cellule. Puis il pressa un bouton. J'entendis manœuvrer les pompes au-dedans du navire. Je sentis l'eau baisser autour de moi, et en quelques instants la cellule fut entièrement vidée. La porte intérieure s'ouvrit alors, et nous passâmes dans le vestiaire. Là, nos habits de scaphandre furent retirés non sans peine, et, très harassé, tombant d'inanition et de sommeil, je regagnai ma chambre, tout émerveillé de cette surprenante excursion au fond des mers.